Andrea. Dernière gorgée, Jean repose avec précaution sa tasse vide sur la table basse. Votre thé est toujours si fabuleux. Vous avez reçu un don des dieux, Lassia. À côté de lui, sur le canapé, Lassia lui prend la main. Je ne sais s'il existe un dieu, mais il en est au moins un en lequel je crois, l'amour, sans lequel tout retournerait au chaos. Puis, pensive, si l'on voit bien les maux que peut engendrer l'absence d'amour pour un individu, imaginons alors les conséquences sur l'univers tout entier. Ce serait le royaume des ténèbres. Jean tout saute comme s'il était enroué. Oh, ça, je vous l'accorde volontiers. Le regard de Lassia se fait plus appuyé. Dois-je comprendre que vous faites référence à votre cas personnel? Exactement. Le ton de la voix de Jean laisse transparaître tant de tristesse que Lassia lui prend la main pour le réconforter. Jean, ai-je votre permission pour enregistrer cette conversation? Bien entendu, Lassia. Je n'ignore pas que c'est très important pour que plus tard, vous puissiez en faire l'analyse. Lassia se lève, disparaît dans le couloir vers son cabinet et revient 2 minutes plus tard avec le Nagra. Il dispose du magnétophone sur la table basse et appuie sur la touche d'enregistrement. Transcription de l'enregistrement numéro 3, séance privée du mardi 13 octobre 2015, 17h15. Objet de la séance, stimulation mémorielle. Sujet, Jean Rine. Psychothérapeute, Lassia Rampa. Lassia Rampa. Ok, voilà, ça tourne. Ce n'est pas dans ma culture, et encore moins dans mes habitudes, mais cette fois, je vais être direct. Comment pensez-vous que les autres puissent vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même? Jean Rine. Mais j'avais cru comprendre qu'au moins, j'avais votre amitié. LR. Ai-je besoin de vous le confirmer? Vous l'avez. Mais tout le monde n'a pas comme moi été moine pendant 5 ans avant de commencer ses études de médecine, ou comme Nathalie qui, à la seconde où elle vous a rencontré, a lu tout au fond de votre cœur. Je suis certaine que beaucoup de gens voudraient vous aimer, mais s'éclairent de vous instinctivement car ils perçoivent confusément que vous ne vous aimez pas. J.R. Vous souvenez-vous de ce que je vous disais vendredi? L.R. Oui. Qu'il y a 55 ans, avoir été à l'initiative de cette action sur cette grotte en Kabylie avait changé votre vie à jamais. Que vous ai-je répondu? J.R. Que je ne pouvais rien y changer et que rejeter ces instants de ma vie et me détester pour ça revenait à me rejeter tout entier. Vous avez même précisé, ce jour-là, que vous le vouliez ou non, est une partie indissociable de vous-même. Silence, puis bruit d'hiver. L.R. Pardon de vous avoir bousculé. Tenez, buvez. Silence. L.R. Avez-vous un souvenir précis de ce qu'il est advenu après cet incident avec ce colonel? J.R. Oui, je m'en souviens très bien. Nous sommes rentrés à la base de Rikketty et le chef Minger m'a demandé d'aller passer une tenue propre pendant qu'il faisait son rapport au capitaine. Il a rajouté « Il y a des chances qu'il veuille te voir. » L.R. Étiez-vous anxieux? J.R. Même pas. Je me sentais vide. Incapable d'éprouver quoi que ce soit. L.R. Et c'est dans cet état d'esprit que vous êtes allé voir votre capitaine, parce que je suppose qu'il vous a convoqué. J.R. Oui. J'étais dans ma chambre lorsqu'un gars du commando est venu me dire que le capitaine m'attendait. J'ai rajusté ma tenue, bouclé mon ceinturon et 5 minutes plus tard, je frappais à la porte du bureau du capitaine. Silence. L.R. Toujours si calme, toujours si vide. Vous n'aviez pas peur de la sanction pour avoir insulté un officier? J.R. Je m'en fichais totalement. Rien ne pouvait m'arriver de pire que d'avoir tué ce gars en le regardant droit dans les yeux, presque à bout portant. Le plus terrible n'étant pas de l'avoir fait, mais de l'avoir fait froidement, sans rien éprouver, comme un exercice sur une silhouette de carton. Bruit de tout. L.R. C'est bien pour ça que vous aviez été entraîné. J.R. Sûrement. Quand dans la seconde qui suivait, j'en abattais un autre de la même façon. L.R. Je suppose que vous avez conscience que si vous ne l'aviez pas fait, vous ne seriez pas là en train de m'en parler. J.R. J'en ai parfaitement conscience. Mais encore une fois, ce n'est pas tant de l'avoir fait que de n'avoir rien éprouvé qui m'a poursuivi toute ma vie. L.R. Cette absence d'émotion était-elle positive ou négative? J.R. Je ne comprends pas. L.R. Je crois que si, Jean. Vous comprenez très bien. Auriez-vous pu tirer aussi méthodiquement et avec cette précision si vous aviez été submergé par vos émotions juste avant l'action? Silence. J.R. Non, bien sûr. LR. Je crois que vous venez de répondre à vos angoisses, vos remords et votre détestation de vous-même. Beaucoup d'autres, dont vous, seraient morts ce jour-là, si vous aviez été incapable de vider votre esprit de toute émotion. J.R. C'est ce que mon capitaine m'a fait comprendre. LR. Voulez-vous que l'on parle de votre entrevue avec votre capitaine? J.R. Oui, d'accord, pas de problème. LR. Je vous écoute, Jean. J.R. J'ai donc frappé à la porte du bureau du capitaine, et à son invitation, je suis entré. Salut réglementaire, j'enlève mon béret. Le chef Minger est assis sur une chaise devant le bureau. Apparemment, il ne s'est pas changé. Il est venu directement faire son rapport. Je reste au garde à vous, soutenant le regard du capitaine qui m'examine des pieds à la tête comme si j'étais... Je ne sais pas quoi dire. Oui, c'est ça. Quelque chose de bizarre. Le chef me regarde aussi, et malgré son air froid, il y a de la bienveillance au fond de ses petits yeux perçants. LR. L'ambiance n'est donc pas hostile. JR. Non, pas du tout, loin de là. Mais je sens une certaine forme d'embarras, surtout en ce qui concerne le capitaine. À mon grand étonnement, il désigne la chaise restée libre devant son bureau et me demande de m'asseoir. LR. Pourquoi en êtes-vous étonné? JR. Parce qu'un commandant d'unité ne fait jamais asseoir un subordonné qu'il convoque, surtout dans des circonstances qui peuvent lui valoir une lourde sanction. LR. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit? JR. Je l'avais occulté comme tout le reste, mais là, les mots me reviennent presque à l'identique. LR. Et donc? JR. Le capitaine tient un coupe-papier qu'il fait tourner entre ses doigts. Il s'éclaircit la voix. Bon, Rin, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce que vous avez fait ce matin est exceptionnel à tous égards. Je viens d'avoir 10 ans de service et c'est la première fois que je croise la route de quelqu'un capable de faire un coup valant une valeur militaire avec étoile d'argent. Et dans la minute d'après, une connerie justiciable du tribunal militaire. Vous me posez un gros problème, Rin. J'essaie timidement de dire quelques mots, mais le capitaine pointe son coupe-papier sur moi. Je ne me souviens pas vous avoir donné la parole. Je bafouille, me tourne vers le chef absorbé par la contemplation d'une énorme tache au plafond. Le capitaine reprend. Le chef Minger m'a fait son rapport, qu'il confirmera par écrit. Nous sommes d'accord sur le fait que vous êtes un sacré foutu problème. Le capitaine marque une pause et reprend. Il est clair que vous avez des aptitudes très particulières en ce qui concerne le tir et le camouflage qui, de surcroît, ne vous viennent pas de votre entraînement militaire. C'est tout juste si votre dossier le mentionne. Par contre, ce que votre dossier souligne et qui est une vaste blague, excellente maîtrise de soi. 18 sur 20. Vous conviendrez qu'il y a de quoi s'interroger sur votre formation. Votre opinion, sergent? LR. Si j'ai bien compris, votre capitaine vous demande votre avis sur vos aptitudes et vos carences. JR. Oui, c'est exactement ça. LR. Et quel est votre état d'esprit au moment de répondre? JR. Je suis un peu dans mes petits souliers, car je connais les états de service de cet officier. Et il n'y a rien du bureaucrate que je me suis payé ce matin. LR. Vous voulez dire qu'il a déjà combattu? JR. Oui. Sous-lieutenant en Indochine, et je sais que le chef Minger était dans sa section comme caporal-chef. LR. Donc c'est quelqu'un que vous respectez ou que vous craignez? JR. J'aurais pu le craindre encore hier, mais aujourd'hui, que voulez-vous qu'il m'arrive de plus? LR. Donc la réponse que vous allez lui faire ne sera pas dictée par la crainte? JR. En aucune façon. De toute manière, le capitaine n'est pas le genre d'homme à qui l'on peut dire n'importe quoi. La franchise est sans aucun doute la meilleure option. LR. Voilà qui est clair. Et que lui avez-vous dit? JR. Avant de vous répondre, Lassia, il faut que je vous précise que les séances de régression ont changé quelque chose en moi. LR. Et quoi donc? JR. J'ai l'impression d'avoir accès à des zones de ma mémoire où je ne pouvais aller il y a encore quelques jours. Et surtout, que chaque heure qui passe augmente cette faculté. LR. C'est une excellente nouvelle. Et si je m'attendais à un résultat, je n'aurais cependant jamais pensé que les progrès puissent être aussi rapides. Décidément, vous êtes impressionnant, Jean. JR. Davantage que d'être impressionnant, je préfère être certain de pouvoir chasser tous mes cauchemars et... LR. Ça, c'est une chose impossible. Il vous faudra apprendre à vivre avec, car ils sont la soupape de sécurité de votre esprit. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, celui au bout duquel vos souvenirs seront en grande partie préservés lors du passage et, principalement ceux concernant Nathalie. J.R. Vous êtes magique, Lacia. En quelques mots, vous venez de raviver l'espoir avec un nœud majuscule. L.R. J'en suis très heureuse. Mais n'oublions pas qu'il reste encore de la route à faire. Alors, ce capitaine... J.R. Ah oui. Je lui ai répondu le plus simplement possible. Mon capitaine, mon opinion est qu'aujourd'hui, je ne sais plus très bien qui je suis. L.R. Oh. J.R. Oui, tout comme vous. Le capitaine et le chef ont été surpris par ma réponse. Presque davantage par le ton d'ailleurs que par les mots employés. L.R. En dehors de la surprise de vos supérieurs, y a-t-il eu une autre réaction notable? J.R. Oui, le capitaine a posé son coupe-papier. Lui et le chef se sont regardés, puis le capitaine a mis ses mains à plat sur le bureau et s'est adressé à moi. Bien, Rin. Voilà. Vous allez m'écouter attentivement sans m'interrompre. Nous avons deux problèmes à résoudre. Le premier étant que l'action de ce matin, entièrement mise au point par vous et exécutée avec l'aval du chef Minger, a permis la capture de deux rebelles, dont un cadre politique très haut placé dans leur hiérarchie, la saisie d'une quantité de documents d'un très grand intérêt, d'un stock d'armes, de munitions, de matériel divers, de vivres et de médicaments. Cette grotte est donc la cache la plus importante jamais réduite par notre unité depuis le début de la guerre et de plus avec zéro perte, si l'on excepte les paras blessés. Je n'ai personnellement jamais connu quelqu'un capable de concevoir et d'exécuter ce genre d'action avec une telle maîtrise et, surtout par un sergent de 18 ans. Ça mérite une citation à l'ordre de la division avec étoile d'argent et je n'aurais eu aucun mal à vous l'obtenir, seulement voilà. De la même façon, le colonel que vous avez traité de sac à merde devant témoin n'aura aucun mal à vous faire traduire devant un tribunal militaire. Avant que vous n'entriez, j'ai été en ligne avec le général commandant de la division. Je viens juste de raccrocher. Décision, on efface l'ardoise, mais avec la citation. Pas de plainte du colonel devant la justice militaire, mais pas de citation. Pour le reste, j'ai plus de mal à vous éviter une affectation au service des effectifs en m'engageant à ce que nous n'entendons plus parler de vous. Donc, à moins que vous ne refassiez une connerie, vous n'existez plus pour ces messieurs et même si vous gagnez la guerre à vous tout seul, le mérite en sera attribué à d'autres. Question ? Non, mon capitaine. Bien, je continue. Deuxième problème, que faire de vous au 11e ? Le chef Minger et moi savons que tu es un homme à bout portant, traumatise n'importe qui, a fortiori quelqu'un d'aussi jeune que vous, d'où votre état de choc. La réflexion stupide du colonel n'a pas amélioré les choses et l'injection d'adrénaline, au lieu d'un tranquillisant par l'infirmier des paras, a largement contribué à vous faire disjoncter. Ceci posé, le chef Minger a une idée, et je suis d'accord avec lui. Lorsque l'on tombe de cheval, et à moins que l'on se retrouve à l'hôpital, il faut de suite remonter. Je pense donc que vous affecter à un poste administratif où vous mutez serait autant préjudiciable au commando qu'à vous-même. Le capitaine marque une pause, il reprend son coupe-papier. Rin, vous avez un talent particulier et qui ne doit rien alarmer. Ce serait stupide de ma part de le gaspiller en vous collant derrière un bureau. Mais ce qu'à l'initiative du chef Minger je vais vous proposer n'est pas une sinécure et on peut même dire que ce sera dangereux. Si je vous le propose, c'est que je vous en crois capable et que je vous fais confiance. Je suis persuadé que dorénavant, vos réactions post-action seront mieux maîtrisées. Si vous refusez, tout le monde comprendra et on en restera là. Donc, mon offre est la suivante, restez au commando, toujours à la disposition directe du chef Minger. Vous ne serez plus engagé directement au feu, mais vous serez les yeux et les oreilles de votre unité. Je crois que vos camarades viennent de vous surnommer le Naja. C'est donc à cette aptitude, à vous faufiler n'importe où, ou sans vous faire repérer, que je fais appel. En un mot, acceptez-vous de travailler en solo pour infiltrer les zones interdites où les douars, les petits villages de montagne, sont tous sauf déserts. L'axe principal de votre mission, après étude et aval du chef, vous infiltrer sur un secteur, observer et rendre compte de tout ce que vous y aurez vu. Vous devrez être capable de rester en immersion plusieurs jours et plusieurs nuits si nécessaire. Pour éviter d'être repéré, vous serez largué à des kilomètres de votre objectif et devrez vous y rendre par vos propres moyens. Vous en reviendrez de la même façon. Êtes-vous d'accord pour ça, sergent ? Sans hésiter, oui, mon capitaine. Vous répondez sans réfléchir. « Je crois que c'est inutile, mon capitaine. Je sais que je peux le faire sans problème. De plus, un job en solo, ça me va. » Aucune récompense à attendre. De plus, en cas de capture, personne ne viendra vous chercher. De toute façon, si je suis pris, il sera trop tard pour m'exfiltrer. Puis-je demander quelque chose à la pharmacie pour parer à cette éventualité ? Le capitaine a un instant d'hésitation. Voyez ça avec le chef Minger. Mais je suis sûr que vous devez être très difficile à coincer, tout comme les Najas. À partir de maintenant, vous rendrez compte exclusivement au chef et à moi-même, et toutes vos missions seront classées secret défense. Bon courage, Rain. L'entretien est terminé. Je me lève, remets mon béret, salue, fais demi-tour et passe la porte. Le gamin est devenu un soldat qui se fait la promesse de ne plus verrouiller ses émotions, seulement de les contrôler. Silence. LR. Pendant un instant, la guerre était là, avec nous, et je me demande ce que quelqu'un comme vous y est allé faire. JR. C'est la question que je me suis posée toute ma vie, sans trouver de vraie réponse. Peut-être la mort de ma mère. Je m'en suis longtemps senti responsable, et je me suis détesté pour ça. Je me disais que je n'avais pas assez prié pour que Dieu la protège. Puis, lorsque j'ai compris que tout comme le Père Noël, les prières n'apportaient pas grand-chose, une immense rage pour m'être laissé berner par les fadaises d'un curé. Pour décupler ma rage, il y a eu le remariage de mon père avec Folcoche, et l'arrivée dans une France qu'en fait je ne connaissais pas, et qui était bien loin des images d'Épinal dont on m'avait bourré le crâne à l'école. De plus, mon accent pied noir à couper au couteau m'a immédiatement désigné comme le métèque, la tête de Turc de tous ces bons petits Français. Je les entends encore. Retourne chez toi, t'es pas Français. J'ai bien dû être exclu du lycée une bonne demi-douzaine de fois. Chaque fois, après avoir démonté la tête d'un de ces francaouis. Je ne suis même pas présenté aux épreuves du bac, et un soir, j'ai dit à mon père, « Il faut que je parte, sinon je vais tuer un de ces petits cons. J'ai besoin de ton autorisation pour m'engager. » La majorité était à 21 ans, et il me fallait le statut de mineur émancipé pour entrer dans l'armée. Voilà comment la colère et la détestation de soi vous conduisent tout droit au milieu d'une guerre. Et lorsqu'on y est, il est trop tard pour faire demi-tour. Il n'y a plus qu'une chose possible, aller jusqu'au bout. Assurer son job proprement pour garder le peu d'estime de soi qu'il vous reste. Long silence. LR. S'est-il produit d'autres faits marquants jusqu'à la fin de la guerre ? JR. Sans doute. Mais rien qui ne change fondamentalement, ni en bien ni en mal, celui que j'étais devenu. De juillet 1961 à mars 1962, j'ai enchaîné les missions de reconnaissance sur les douars des zones interdites, la plupart en solo, et quelques rares fois en binôme, toujours avec le même équipier. Pendant un peu plus de 7 mois, j'ai été témoin de choses auprès desquelles l'épisode de la grotte était un conte pour enfants. Mais on finit par s'endurcir, peut-être même par se déshumaniser. De toute façon, c'était plus facile à supporter. Je n'en étais que le témoin, pas l'acteur. LR. Il me semble que vous souhaitez clore ce chapitre. Je me trompe ? JR. Non, Lassia, c'est exactement ça. LR. Bien. Je vais nous faire du thé. Je crois que nous en avons besoin autant l'un que l'autre. Je vous propose de reprendre l'entretien la semaine prochaine. Même jour, même heure. JR. D'accord, Lassia. Mais je ne voudrais tout de même pas abuser de votre temps et de votre gentillesse. LR. Pas de soucis, Jean. Je prends un week-end prolongé pour aller voir des amis à Toulon. Cela vous permettra de réfléchir à tout ce que nous avons fait remonter de votre mémoire et de rassembler vos idées. Bien, je coupe le nagra. LR. Reprise de l'entretien, mardi 20 octobre 2015, 17h05. Parlez-moi un peu de ce long week-end, JR. Comme vous devez vous en douter, j'ai passé la plus grande partie du temps à me remémorer en détail les événements de cette période. Ce qui est prodigieux, c'est que plus je focalise ma mémoire sur un événement, plus les détails de cet événement reviennent nombreux et précis. À croire que mon cerveau est devenu un super ordinateur. LR. Votre cerveau, tout comme le mien, ou celui de n'importe qui d'autre, ne devient pas un super ordinateur, il l'est déjà. Et comme tous les ordinateurs, il n'est possible de le faire tourner à sa pleine capacité que si l'on dispose des logiciels adéquats. C'est là que les choses se compliquent. L'acquisition de ces logiciels est un long cheminement de patience et de sagesse, et à ce sujet, l'humanité n'en est encore qu'au balbutiement. J.R. Vous voulez dire que cette capacité à me souvenir d'autant de choses que je le souhaite avec des détails d'une précision effarante provient de la suggestion hypnotique que vous avez implantée ? L.R. La suggestion hypnotique de régression n'a été que l'ordre donné à votre cerveau pour qu'il active certaines options du logiciel qui jusqu'à présent n'étaient pas ou très peu utilisées. J.R. Vous voulez dire que... L.R. Je veux dire que vous êtes maintenant en mesure d'aller chercher l'information là où elle est stockée. Il restera jusqu'au transfert de votre disque dur lors du passage. Tout le travail que vous allez devoir faire est d'identifier ces fichiers et d'en faire une sauvegarde. La plupart des gens n'y réussissent pas, ou alors partiellement. Je pense que vous êtes bien parti pour faire une sauvegarde complète de ce qui vous sera essentiel lorsque vous retrouverez Nathalie. Mais en attendant, il va falloir... Comment dites-vous en France ? Ah oui, il va falloir bosser. J.R. Eh bien, allons-y, bossons. L.R. Par quoi commence-t-on, Jean ? J.R. Je pense qu'avant d'attaquer la prochaine étape, il est préférable de clore rapidement celle que nous avons ouverte il y a quelques jours. L.R. C'est vous qui décidez de ce dont vous voulez parler. J.R. Je crois que nous en étions restés en mars 1962, au moment du cessez-le-feu en Algérie. L.R. C'est exact. J.R. J'en avais fait la demande 2 mois auparavant, et tout juste 2 jours après le cessez-le-feu, j'ai reçu mon ordre de détachement au centre d'instruction parachutiste de Maison-Blanche près d'Alger. Le stage devait durer 2 mois, mais je n'irai pas au bout de la formation. Le 7e saut sur le dernier. C'est un saut opérationnel de nuit à 400 mètres. Parachute en torche, extraction du ventral, puis plus rien. Je me réveille après 2 jours de coma à l'hôpital Maillot, d'où je ne sortirai que 40 jours plus tard avec 5 vertèbres un peu secouées. Ces mêmes vertèbres avec lesquelles vous avez fait connaissance 54 ans plus tard. Silence. Nathalie disait souvent « Il n'y a pas de hasard ». J'avais fini par le croire. Notre rencontre m'en a persuadé. L.R. Je pense exactement comme elle. La survenance de certains événements majeurs est inéluctable. Entre chaque intervient notre libre arbitre. Et que s'est-il passé à votre sortie de l'hôpital ? J.R. Impossible de rejoindre mon unité. Elle était en cours de dissolution. Le rapatriement et la dissolution de toutes les unités combattantes ont été très rapides, moins de 6 mois. La plupart des appelés sont rentrés en France. Quant aux professionnels comme moi, nous sentions le soufre, la sueur, le sang et la merde, et ce sont des odeurs que les politiciens n'aiment pas. Surtout que, comme la plupart des guerres, c'est en ramassant leur merde que les soldats se sont salis les mains. Pardonnez ma vulgarité, mais elle n'est rien à côté de la somme inimaginable de cynisme nécessaire pour faire carrière en politique. Et ce n'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps, entre deux campagnes, Rome s'est toujours débarrassé des centurions qui avaient trop fait parler d'eux. Je n'étais pas un centurion, mais un simple décanus, un sous-officier. Seulement, il devait y avoir quelque part un rapport sur moi qui traînait. L.R. Que vous est-il arrivé ? J.R. Oh, 5 mois de relégation dans un bataillon chargé de liquider sur place le matériel trop cher à rapatrier. Leur premier geste a été de m'enlever mon déguisement, comme l'a souligné, avec un air dégoûté, le sergent-major tiré à 4 épingles, chargé de changer mon paquetage de rouleur de mécanique en paquetage de bon soldat. J'essayais de refuser le vieux treillis large comme une barboteuse dont on voulait m'affubler. Mais le sergent-major Taboya, vous voyez, je n'ai pas oublié son nom, m'a fait remarquer que les petits branleurs dans mon genre n'avaient pas droit à la parole. Il n'a pas très bien compris ce qui lui arrivait lorsque son nez a éclaté. J'ai toujours eu le crâne solide, j'ai ramassé ma barboteuse et je suis parti rejoindre mes quartiers en le laissant affaler devant son comptoir. L.R. Eh bien, Jean, je crois que je suis heureuse de ne pas avoir connu celui que vous étiez alors. Mais je comprends ce que vous avez enduré et suis d'autant plus impressionné par tout le chemin que vous avez dû parcourir pour sortir de cette spirale de violence enclenchée par la mort de votre mère. J.R. Merci, Lassia. 1 heure plus tard, j'ai été convoqué chez le chef de bataillon pour me voir infliger 15 jours d'arrêt. Je crois que ça aurait pu aller plus loin. Mais il paraît qu'un adjudant-chef, témoin de la scène, avait persuadé le sergent-major de faire un rapport dans lequel il reconnaissait avoir engagé les hostilités, ce qui n'était qu'un demi-mensonge ou, si vous préférez, une demi-vérité. Cerise sur le gâteau, j'étais affecté comme adjoint au bagmestre auquel je me suis présenté une heure plus tard. Un sergent de 10 ans de service, incapable de faire autre chose que ce job. Le sosie de Pepone, le personnage du maire dans la série de Don Camillo. La moustache, la corpulence, tout y était. Depuis 2 ans qu'il était là, dans ce bureau exigu, au milieu des sacs de courrier, tout le monde avait oublié son nom. Il était le sergent Pepone. Rien ne nous y prédisposait. Lui, le vieux rond de cuir abîmé par la vie, et moi, l'apprenti soldat abîmé par la mort. Mais on a tout de suite sympathisé. On ne s'est plus quitté. On mangeait ensemble au mess, et le soir, avec 2 autres sergents qu'il m'avait présentés, on tuait le temps dans des parties de poker interminables. Parler de ce personnage pourrait n'avoir qu'un intérêt anecdotique, s'il n'avait été le doigt du destin. LR, ça donc. Et en quoi un vieux sergent moustachu, bon tripotant et sympathique, peut-il bien incarner le destin? JR, vous allez tout de suite comprendre. Un matin, lorsque j'arrive au bureau, je le trouve plongé dans la lecture d'une note de transmission à l'état-major, lisant les postes de sous-officier à pourvoir outre-mer. Il me tend le document sur lequel il a coché un poste de sergent à pourvoir au Sénégal, au centre d'instruction d'un régiment interarmes d'outre-mer, dans les environs de Dakar. « Je crois que tu devrais faire un 310-018, une demande de mutation. »« C'est pour toi, ce truc. » Je jette un coup d'œil sur la liste. « Je préfère plutôt postuler pour la Martinique. C'est juste la ligne d'avant. » LR, « Pourquoi ce choix ?» JR, « Parce que je n'avais aucune envie de partir au milieu de nulle part, au fin fond de l'Afrique, alors que je venais de passer près d'un an à crapahuter dans les djebels de Kabylie. J'avais juste envie de retrouver la civilisation. » De me réveiller le matin dans des draps propres. Pepone m'a répondu. Parce que tu t'imagines qu'ils vont laisser un fada comme toi foutre la grouille, la pagaille, en Martinique? À ton avis, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas empêcher quelqu'un de l'enfermer, mais qu'on veut plus l'entendre? Je suis surpris par la question et bien incapable d'y répondre. C'est simple, on l'expédie le plus loin possible. De toute façon, ils ne te laisseront pas rentrer en France de sitôt. Pour eux, tu n'es qu'un élément contaminé. Et les met contaminés, on les met en quarantaine. LR. Le sergent Pepone était un sage. JR. Sûrement. Mais j'ai fait ma demande pour la Martinique et... LR. Et JR. Moins d'un mois plus tard, j'étais affecté au Sénégal avec prise de poste au 1er octobre 62. LR. Si votre ami n'était pas le doigt du destin, on peut tout de même dire qu'il était un peu médium. JR. Oui, certainement. Mais entre-temps, le régiment auquel j'avais été affecté avait été dissous, et je me suis retrouvé à la mission militaire de l'ambassade de France, puis mis à la disposition de l'armée sénégalaise comme instructeur. LR. Un épisode précis de ce séjour vous revient-il en mémoire? JR. C'est remarquable. Je me souviens de tout comme si cela avait eu lieu hier. Mais rien qui ne vaille la peine de s'y attarder. La vie d'un militaire célibataire au Sénégal, sans intérêt. LR. En êtes-vous bien sûr, Jean? JR. Absolument sûr. Rien. Sauf si les virées mensuelles des jours de sol dans les bars et les boîtes de nuit de la corniche présentent un quelconque intérêt. LR. Bien. De quoi souhaitez-vous parler? JR. Du jour où je fais la connaissance d'Andrea. LR. Et qui donc est Andrea? JR. Celle qui allait devenir ma femme et partager ma vie pendant 24 ans. LR. Ah, je comprends maintenant. Pourquoi vous disiez que le sergent Pepone était le doigt du destin? JR. Oui. Chaque fois que je repense à Andrea et à nos 2 enfants, je revois la grosse patte velue de Pepone et taper de l'index la note de service qui m'a conduit tout droit au Sénégal. LR. Vous me parliez de votre rencontre avec Andrea? JR. Oui. C'était à la soirée d'anniversaire d'une de ses copines de lycée avec laquelle elle sortait très souvent. LR. Et vous la connaissiez aussi? JR. En quelque sorte, j'avais eu affaire à son père qui travaillait dans une cimenterie voisine. Le centre d'instruction avait eu besoin de ciment et, à faire fête, le brave homme m'avait invité chez lui. J'avais fait connaissance de sa femme et de ses enfants, et bien que de générations différentes, nous nous étions liés d'amitié. Sans doute étais-je en fait beaucoup plus vieux que mes 22 ans. Voilà pourquoi j'étais à la soirée d'anniversaire de sa fille. LR. Avez-vous remarqué Andrea tout de suite? JR. Elle n'était pas là. Elle est arrivée un peu plus tard. Elle ne risquait pas de passer inaperçue. LR. Elle était si jolie que ça. JR. Déjà oui, mais en plus grand équipage. LR. En grand équipage. JR. Oui. Une expression un peu désuète pour dire qu'elle est arrivée dans une splendide voiture américaine décapotable à grand renfort de coups de klaxon. LR. En toute discrétion, en somme. JR. Non, pas vraiment, et pourtant ce n'était pas dans son caractère. Elle avait profité d'une opportunité. Un ami libanais de Dakar, qui était aussi invité, et à qui appartenait ce paquebot roulant au chrome étincelant. Néanmoins, même sans ça, on ne pouvait pas ne pas la remarquer. Une chevelure blonde, un blond vénitien très soutenu, prise dans un serre-tête noir, un visage très doux souligné par deux grands yeux verts, une très belle robe blanche à gros pois bleus, des escarpins blancs à petits talons. Je n'arrive pas à me souvenir de sa pochette ou de son sac. LR. Ah, vous voyez, il y a tout de même des détails qui restent encore occultés. Mais je suis sûr que si vous aviez été sous hypnose, en processus de régression, ce détail, comme beaucoup d'autres, vous serait revenu. JR. J'ai quelques excuses à ne pas l'avoir noté. Outre le fait qu'elle était très jolie, j'étais totalement hypnotisé par son regard et sa façon d'incliner la tête en souriant. Tout le temps que son amie Anna fait les présentations, je n'ai pas lâché son regard. Elle me dira plus tard que la façon que j'avais eu de la regarder l'avait troublée. Andrea, je te présente Jean, un sergent du centre d'instruction. Nous sommes voisins. Jean, je te présente Andrea, une copine de lycée. Elle est. Lorsque vous parlez d'elle, votre visage change. Elle devait être vraiment très jolie. J.R. Oui, mais pas seulement. Pour la première fois depuis de longues années, je me sentais vivant. Elle est. Vivant. Pouvez-vous préciser? J.R. Au lieu du vide glacé que je sentais à l'intérieur, j'ai eu l'impression de redevenir vivant avec du vrai sang chaud coulant dans mes veines. Je n'en doutais pas une seconde. C'est Andrea qui était à l'origine de cette subite métamorphose. LR. Vous savez ce qu'on appelle un coup de foudre? JR. Non, je ne dirais pas ça. C'était une sensation de bien-être indéfinissable, comme si l'étau de glace qui m'emprisonnait l'âme et le corps venait de voler en éclats. Tout me paraissait changer autour de moi. La minute d'avant, je voyais les choses et les gens en noir et blanc, et là, je les voyais en couleur et je les entendais rire, ou plutôt, je l'entendais rire parmi le groupe qu'elle avait rejoint. Un rire si doux, si chaud, si caressant. D'un seul coup, je me suis senti heureux. Depuis la mort de ma mère 10 ans plus tôt, je ne savais plus ce que c'était d'être heureux. Et l'année d'Algérie n'avait rien arrangé. Moi, d'ordinaire si discret, et qui restais à l'écart dans ce genre de soirée où tout me paraissait superficiel, j'ai eu envie d'être près d'elle, de lui parler. Elle est, autrement dit, de la séduire. J'irai, ce n'était même pas ça. Je sentais confusément qu'elle était différente de cette bande d'ados qui jouait à être des grands. En dehors des parents d'Anna qui s'occupaient de l'intendance de la soirée, c'était la seule adulte, la seule femme. J'avais juste envie d'être près d'elle, de lui parler. Pour ça, il n'y avait qu'un seul moyen. Bref, pour faire court, je ne l'ai pas lâchée de la soirée. Les rocks n'étaient pas trop mon truc, mais je crois bien que je n'ai pas laissé passer un seul slow sans l'inviter. Elle est. Ne pensez-vous pas qu'il y avait tout de même une démarche amoureuse de votre part? JR. C'est possible, mais je n'en avais pas conscience. La preuve est que je ne ressentais aucun désir, pas la moindre érection. Ce qui est tout de même fréquent lorsqu'on a 20 ans et que l'on danse avec une jolie fille. On a un peu parlé de nous en dansant. Mais tout comme moi, c'était quelqu'un de réservé et nous n'avons fait en quelque sorte qu'affiner les présentations. Plus tard, longtemps après, elle devait me dire que ce soir-là, elle m'avait trouvé très différent des autres garçons qu'elle fréquentait. Différent et sympathique, mais un peu collant. À la fin de la soirée, juste avant son départ, je lui ai demandé si l'on pouvait se revoir. Elle m'a répondu que ce sera avec plaisir, à l'occasion, lorsque je viendrai à Dakar. LR, votre base était loin de Dakar? JR, oh, à 20 kilomètres, mais je n'avais pas de voiture. J'ai gardé le contact avec elle par l'intermédiaire de son amie Anna, et elle m'a bientôt proposé de venir à une boum donnée à Dakar par ses amis libanais. Cette fois, je me suis appliqué à être moins collant. mais c'est elle qui est restée près de moi tout l'après-midi. Les semaines suivantes, nous nous sommes revus de plus en plus souvent et pour la boire, je descendais chaque week-end à Dakar en taxi-brousse. J'avais trouvé un petit hôtel sur la place de l'Indépendance à deux pas de chez elle. Ça m'évitait de faire un aller-retour onéreux et fatigant pour retourner dormir au camp. Ensuite, ça a été plus facile. J'ai acheté une voiture, une Sim Camille. Elle m'a présenté à ses parents et en décembre, nous étions mariés. Elle est un peu rapide tout de même. J'y erre sans doute. Mais là, je viens de vous résumer 6 mois en une seule phrase. Elle est « Oui, comme si vous aviez voulu éviter de dire certaines choses, mais rien ne vous y oblige. » J.R., vous avez raison. Il faut que je dise les choses telles que je les ressens. Ce qui ne signifie pas que ce soit mon analyse qui soit la bonne. J'aurais tant voulu comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Qu'André me dise ce qui n'allait pas, mais rien. Chaque fois que j'abordais le sujet, elle se dérobait. Elle est « Pardon, Jean. » Mais c'est un peu confus. Pourriez-vous revenir au début ? J.R. Oui, bien sûr. Je crois en fait que je n'étais pas amoureux d'André au sens flirt ou amourette. C'était quelque chose de plus fort, de plus profond. J'éprouvais en permanence le besoin d'être près d'elle. Et je crois pouvoir dire, sans me tromper, que la réciproque était vraie. Nous sommes très vite sortis ensemble. Quand je parle de sortir ensemble, il s'agissait de sortir et rien d'autre. En 1965, nous vivions une époque où, pour la majorité des gens, toute relation sexuelle hors mariage n'était même pas envisageable. Une jeune fille perdant sa virginité avant ses noces était considérée comme une traînée. Mise au banc de sa famille, et si la chaussée bruitait, risquait fort de ne jamais trouver un mari si son amant ne l'épousait pas. En tout cas, c'était l'état d'esprit qui prévalait chez les parents d'Andrea. Elle erre. On a peine à imaginer aujourd'hui que pareille époque ait existé. J'y erre. Elle n'avait pas encore 20 ans et moi 23. Nous étions si jeunes. Au fil des mois, nous nous étions vraiment attachés l'un à l'autre. Alors bien sûr, lorsque nous nous embrassions, le désir était là. Mais il était hors de question de sauter le pas. Notre éducation, c'est-à-dire le bourrage de crâne judéo-chrétien dont nous étions imprégnés, était très efficace, en particulier en ce qui la concernait. Elle erre. Y a-t-il quelque chose qui vous fasse dire qu'elle était plus coincée que vous sur ce chapitre ? J.R. Je ne dirais pas coincé. Mais les quelques fois où nous nous retrouvons seuls tous les deux, j'avais un peu perdu la tête, elle avait très vite repris ses esprits pour dire non. L.R. Quand avez-vous commencé à parler mariage ? J.R. En septembre. Après lui avoir annoncé que je devais rentrer en France en avril de l'année suivante, c'est-à-dire 1966. L.R. Comment avait-elle réagi à l'annonce de votre départ ? J.R. À l'annonce de mon départ, elle a vraiment changé de visage. C'était un peu avant que nous allions au cinéma. Elle a accusé le coup, mais n'a fait aucun commentaire. Si je n'avais commencé à bien la connaître, j'aurais pu croire qu'elle s'en moquait. Toute la première partie du programme, je n'ai pensé qu'à ça. Et à l'entracte, je lui ai demandé « Tu veux bien qu'on se marie ?» Elle erre. « Et quelle a été sa réaction ?» J'y erre. Elle s'est contentée de hocher la tête avec un grand sourire et m'a embrassé. Je suis certain que l'idée que l'on ne puisse plus se revoir lui était aussi intolérable qu'à moi. Elle erre. Je suis sûr qu'ensuite l'épreuve la plus dure a été de faire votre demande à ses parents. J'y erre. Oui, bien sûr. Mais le plus dur a surtout été de rester sage jusqu'au mariage. Je n'aurais sans doute pas eu à insister beaucoup pour qu'elle cède. Elle erre. Vous avez l'air bien affirmatif. Qu'est-ce qui vous permet de le supposer ? J'y erre. Le fait qu'elle soit venue à moi le matin de notre mariage. Elle erre. Qu'elle soit venue à vous. J'irai. C'est-à-dire qu'elle m'a rejoint dans mon lit quelques heures avant que nous soyons mariés. J'avais passé la nuit dans l'appartement voisin de celui de ses parents, occupé d'ordinaire par un de leurs amis qui leur avait laissé les clés en partant en vacances. Ce matin-là, j'étais à peine réveillé. Elle est entrée sous prétexte de venir me dire bonjour. J'étais encore au lit en tenue d'Adam, elle en chemise de nuit. Elle souriait. Elle s'est déshabillée, s'est allongée près de moi, puis sur moi, et m'a embrassé avec tant de tendresse et d'amour que j'en ai encore les larmes aux yeux en y repensant. Puis elle est venue sur moi, et c'est elle qui m'a guidé. Elle n'a pas dit un mot, me souriant de ses grands yeux verts. C'est un des moments les plus beaux de ma vie. Nous étions l'un contre l'autre, et si heureux que, longtemps après, nous étions encore là, immobiles, sans pouvoir nous détacher l'un de l'autre. Nous avions oublié que nous nous attendions pour un certain mariage et c'est son plus jeune frère qui est venu tambouriner à la porte pour nous dire de nous grouiller. LR. Vous parlez de cet instant avec tant d'émotion. JR. Oui, parce que pour moi, ça a été la première, la dernière étreinte amoureuse que nous avons eue en 24 ans de mariage. LR. Je ne comprends pas. JR. Moi non plus, Lacia. LR. Vous êtes en train de me dire qu'après votre mariage, son comportement a changé. JR. Oui. Et sans doute aussi le mien. Je ne sais pas. LR. Je comprends votre émotion, Jean, mais essayez de garder votre calme pour retrouver ces moments-là. Chacun a son importance. JR. Dès le lendemain de notre mariage, j'ai senti qu'elle n'était déjà plus celle venue me rejoindre à mon réveil au petit matin. Peut-être le fait de se retrouver ailleurs que dans l'appartement où elle vivait depuis des années avec ses frères et sœurs et ses parents. Je pense qu'elle n'arrivait pas à se faire à ce nouvel environnement et que sa famille lui manquait. Malgré sa gentillesse et ses efforts, j'ai tout de suite senti qu'elle était malheureuse. À partir de ce jour, mes élans de tendresse étaient subis bien plus qu'ils n'étaient acceptés. LR. Et comment avez-vous réagi? JR. Je me suis dit qu'il me fallait être tendre et patient. Mais rien. D'autant qu'elle a su qu'elle était enceinte quelques semaines après. À cette époque, la pilule n'existait pas. L'IVG était illégal et son gynéco lui avait expliqué, trop tard, que le coitus interruptus était le meilleur moyen de tomber enceinte. Elle n'avait pas 20 ans et venait tout juste de quitter les bancs du lycée et sa famille. Elle était complètement perdue et moi qui vivais seul depuis si longtemps. Je ne l'ai pas compris. LR, si jeune et déjà enceinte, que des bouleversements pour elle en quelques semaines. Avec, si j'ai bien compris, la perspective de laisser sa famille à Dakar pour vous suivre en France en avril, enceinte de 4 mois. JR, et ce n'était même pas la France, car peu de temps après je recevais ma nouvelle affectation, l'Allemagne. LR, eh bien, j'essaie d'imaginer. La vie de famille, l'insouciance du lycée, tout à coup, presque sans transition, le mariage, un enfant, et le départ pour un pays à 1 000 000 de kilomètres de ses racines. Mais je pense qu'il serait préférable de s'arrêter pour aujourd'hui et de reprendre. On peut dire jeudi. JR, parfait pour moi. Fin d'enregistrement. Lacia dit au revoir à Jean et, comme à l'accoutumée, l'accompagne jusqu'à la porte de la villa. Alors qu'il s'éloigne vers sa voiture, elle ne peut s'empêcher de remarquer la silhouette du vieil homme encore plus voûté qu'à l'habitude. Sans nul doute l'évocation de cet amour englouti par l'incompatibilité sexuelle et un dialogue impossible, avec comme conséquence une frustration de plus de 20 ans. Un véritable enfer, où il a bien failli se consumer.